Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Elle ne cherchait pas à ce que le public soit en extase, qu'il soit heureux, oui. En revanche, elle cherchait à être en extase lorsqu'elle chantait sur scène. Et la musique pouvait être différente d'une soirée à l'autre, pas seulement à cause d'elle-même, Oum Kalsoum. Oum Kalsoum, grande et merveilleuse dame, l'astre, l'étoile de l'Orient, elle qui avait commencé à chanter en public, déguisée en garçon. Nuit magnétique, première diffusion sur France Culture le 5 février 1985. L'étoile de l'Orient, Oum Kalsoum, par Daniel Coe, avec Maurice Attab et Aïcha Saout. L'étoile de l'Orient, la dame, Souma, l'artiste du peuple, celle qu'on a appelée aussi l'arme secrète de Nasser, la chanteuse égyptienne Oum Kalsoum, a disparu le 3 février 1975, atteinte d'une maladie des reins. Il faut avoir vu le reportage de ses funérailles au Caire, le peuple qui emporte son cercueil, lequel vogue littéralement comme un navire sur une marée humaine. Des pays du Golfe au Maroc, Oum Kalsoum a été pour beaucoup d'Arabes celle qui a su les réunir au-delà de leur division. Oum Kalsoum, un nom de légende. L'état de transe dans lequel son chant plongeait les foules avait de quoi surprendre les observateurs non prévenus. Tous les premiers jeudis de chaque mois, elle donnait au Théâtre du Caire un récital qui était retransmis par toutes les radios arabes. Et elle pouvait chanter sur scène jusqu'à 5 à 6 heures d'affilée avec seulement 2 ou 3 chansons à son répertoire. Des chansons d'amour avec de nombreuses reprises à la demande du public, avec sans cesse de nouvelles nuances, des interprétations au cours desquelles elle laissait libre cours à son inspiration. Oum Kalsoum a de nombreux admirateurs, des admirateurs inconditionnels qui gardent précieusement ses enregistrements, surtout lorsqu'il s'agit de documents rarissimes. Des admirateurs qui collectionnent aussi tout ce qui peut se rapporter à elle, à sa personnalité, à sa vie. Maurice Attab, qui vit à Paris, est de ceux-là. Oum Kalsoum, c'est une voix qui me touche profondément. C'est une voix, lorsque je l'écoute chanter, j'éprouve une certaine sérénité. Et vous vous souvenez la première fois, lorsque vous l'avez entendu, c'était sur disque ? Oui, j'étais enfant, très jeune. Je suis natif de la Tunisie. Et à l'époque du Ramadan, c'est toujours une époque très belle. Il y a dans les villes, le soir, on entendait beaucoup Oum Kalsoum dans les cafés. Alors les rues étaient illuminées par des guirlandes de lumière, comme il faisait très chaud, c'était arrosé, les rues étaient arrosées, et par-dessus tout cela, il y avait Oum Kalsoum et le jasmin. Je vais régulièrement au Caire chaque année pour chaque anniversaire de sa mort. C'est-à-dire, il faut que je sois au Caire le 5 février. Et cette chose-là est arrivée lorsque elle est morte. J'ai dit, il faut aller tout de suite au Caire et recueillir des témoignages tant que le souvenir d'Oum Kalsoum est encore vivant et frais dans l'esprit des gens. Voilà comme ça, comment je suis allé au Caire. Et qu'avez-vous trouvé comme témoignage ? J'ai trouvé comme témoignage des gens du cireur de chaussures au taxi jusqu'au dentiste et au médecin. J'ai trouvé un amour extraordinaire pour la grande diva, la grande Oum Kalsoum. Les gens connaissaient ses poèmes et lorsque je les questionnais avec mon microphone, ils me récitaient des poèmes, ils chantaient et ils étaient très heureux. Ils me disaient « Oum Kalsoum, il n'y en aura jamais deux ». Lorsque vous êtes allé au Caire, je crois que vous êtes rendu dans une de ses demeures. Oui, je suis allé, j'ai des amis qui habitent le Caire. Et lorsque je suis allé les voir, la première année, en 75, je suis allé tout de suite pour recueillir des anecdotes. Cet ami, en passant devant une villa, il me dit, tu vois, là c'est la villa d'Oum Kalsoum. Je lui ai dit, cet ami se prénomme Alex, je lui ai dit, Alex, je voudrais rentrer dans cette villa. C'était dans quel quartier du Caire ? Dans un quartier qui s'appelle Zamalek, au numéro 5 du Shara Abul Fida. C'est une grande avenue. Mais il m'a dit, mais écoute, on ne connaît personne. Je lui ai dit, il faut y aller. Et nous avons sonné à la porte. Et il y a eu une domestique, une dame de la Haute Égypte, noire, qui nous a ouvert la porte. Elle avait l'air d'un cerbère. Et j'ai bredouillé quelque chose et mon ami lui a dit, mon ami vient de Paris et il voudrait visiter la maison d'Oum Kalsoum parce qu'il aime beaucoup Oum Kalsoum. Et alors cette personne m'a scruté du regard, un regard très puissant, très fort, et puis elle me dit en arabe, tfaddal, c'est-à-dire, je vous en prie. On avait l'impression qu'Oum Kalsoum allait descendre d'un escalier pour me dire bonjour. Il y avait la vie dans cette maison. C'était au bord du Nil. Au bord du Nil. Et je voudrais donner un détail qui est très très beau. Elle m'a fait visiter les chambres à coucher. Donc Kalsoum avait deux chambres à coucher. Il y en avait une qui était située vers l'ouest et une autre vers le nord. C'était la chambre à coucher de l'été et de l'hiver. Et la chambre à coucher de l'ouest, c'était deux grandes baies vitrées. Il y avait le lit d'Oum Kalsoum. Et on voyait au loin une mosquée, la coupole d'une mosquée, de très grands arbres, parce qu'elle avait une villa avec des arbres centenaires. et on avait l'impression que le Nil rentrait par une baie et il ressortait par l'autre. Je suis retourné 2 ans après, et 2 ans après, j'ai eu une peine immense. Cette maison, on était en train de la détruire. Et j'ai voulu encore revisiter la maison, mais mon ami m'a dit, mais écoute, tu l'as vue, la maison. J'ai dit non, il faut la revoir encore. Alors ça m'a fait une peine immense, parce que j'ai vu qu'on était complètement à la détruire. J'ai vu la salle de bain d'Oum Kelthoum, elle était en marbre rose, on était en train de casser les marbres. Et j'ai demandé au gardien, j'ai dit, je voudrais un parquet, prendre deux dalles de marbre rose, de carreaux. Il m'a dit, bien sûr, prenez. J'ai pris un petit peu du parquet, une lamelle de parquet, d'Oum Kelthoum, que je garde précieusement chez moi. Début des années 70, sur la radio du Caire, un entretien avec Oum Kelthoum. Bonjour, grande et merveilleuse dame. J'espère que tu vas rassurer tes milliers d'admirateurs sur ta santé. Grâce à Dieu, je suis en bonne santé, tout va bien. Tes convictions religieuses sont très fortes. Tes chansons religieuses Nahj al-Borda, Al-Hamziya. J'ai eu une éducation religieuse. Mon père lisait le Coran. Il était l'imam de la mosquée. Et j'ai appris le Coran à l'école coranique. متصلة بالدين يعني طبعا وفي الكتاب أيضا. وفي الكتاب وطبعا ما بتنسيش صباح الأعياد ونشيد الله أكبر طبعا alors tu n'as pas oublié les fêtes de l'Aïd et الله أكبر bien sûr الجو اللي بيرسب في نفسية الواحد وهو طفل طبعا ويفضل عايش يعني طب هل كان لده تأثير في فنك ما فيش شك sans aucun doute يجب على كل Tout cela a influencé mon art. Tout chanteur doit apprendre le Coran. Ce grand livre qui apprend à bien prononcer, à articuler les mots clairement. ما أذكرش إن أنا خرجت من بيتي من غير ما أقرأ مثلاً آية الكرسي Je ne me souviens pas d'être sortie de ma maison, de m'être rendue dans une soirée sans avoir lu avant le Coran. Peux-tu nous faire entendre la sourate d'El Kursi? C'est pour l'apprendre à qui? Tout le monde la connaît. Peux-tu tout de même lire le Coran, même sans le psalmodier? Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Fatma Zohra Ibrahim, c'est son vrai prénom. Elle avait trois prénoms. El Beldaghi. El Beldaghi, c'est le nom de son père. Il y a toujours un petit peu de mystère concernant sa date de naissance, mais officiellement, c'est 1898. Vous pensez que ce serait un petit peu après ou un petit peu avant ? Avant, un petit peu avant. Je suis très sûr que c'est un petit peu avant, disons à peu près 5 ans avant. Personne n'est d'accord sur la date exacte de la naissance d'Oum Kalsoum. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est née dans le petit village de Temay Ezaayer, près de la ville de Senbelawen, dans la province égyptienne de Dakhalia, et qu'elle a passé son enfance au sein d'une famille à la fois très nombreuse, très pauvre et très croyante. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما Extrait d'un film des années 40. Psalmodie du Coran par Oum Kalsoum. Verset de la sourate Ibrahim. Cela vous donne le calme et la sérénité. Après la prière du matin et après la lecture du Coran, on devient une âme pure. بتشاركي معاه في اداء مثلا تواشيح او المولد او كذا بعدين لما يعني مون بروميير بروفيسور وي سيتي مون بير فبقى يستعين بحضرتك يعلم اخويا Pour faire face à la concurrence, elle a commencé à prendre à mon frère la psalmodie du Coran. Et un jour, elle m'a trouvé jouant à la poupée tout en psalmodiant le tawashir qu'elle avait appris à mon frère. Il est resté silencieux. Puis il m'a dit de venir avec lui, c'est-à-dire de l'accompagner pour psalmodier le Coran. Moi, je ne voulais pas. Il m'a dit, viens, je te donnerai une ma'labiya, une friandise égyptienne. Année 10, le Shir Abu Helala Mohamed. Le Cheikh Abou Al-Ala Mohamed, il a été mon professeur après mon père. أفدين حفظ الهوى وحقق أنت المنى والطلب كل ده سلواني قادر مال أفدين حفظ الهوى وحقك أنت الطرب حفظ الهوى أو كله من كالحين والصبوت أفضح عيونه وكل ده من تفضح عيونه توت سي شانسون ايتي كومبوزي بار ابو العلا محمد كان بيلحن لحضرتك وانت في القريه ولا بعد بيلحن اللي هو كان هو ده التلحين هو له ليه وبعدين نو اي ني كومبوزي با بور موا اي كومبوزي بور لوي على ايبوك ما هو قاله كان انا في القريه كان في اسطوانات يجيبوها في بيت العمده طبعا مش عندنا Moi, je chantais ces chansons. Dans mon village, il y avait des disques de Abou Laila, chez l'Omda, le chef du village. Bien sûr, pas chez nous. J'aimais les écouter, aussi ceux de Abd Latif al-Benna, un autre cheikh. Mais moi, j'étais emballée par ce monsieur Abou Laila. Je l'admirais et je me disais que cet homme merveilleux ne pouvait pas être vivant. Jusqu'au jour où je l'ai vu à la gare de Saint-Balloun, je me suis agrippée à lui et je l'ai emmené au village. Après le médah, on appelle ça le médah. On pourrait dire ce que c'est, le chant de louange. Oui, c'est le chant de louange à Dieu. Donc, Oum Kulthoum a chanté les fêtes, les mariages, les baptêmes, les circoncisions. Et à ses débuts, on l'a payé avec un bol de riz et un verre de lait. Et elle était très heureuse, paraît-il. Par la suite, elle a grandi. Et il y avait un ami de son père qui était issu du même village qu'elle. C'était Cheikh Abou Laila Mohamed. Cheikh Abou Laila Mohamed était un grand chanteur. Il était l'élève direct de Abdul Hamouli, qui est le père de la musique égyptienne. Cheikh Abou Laila Mohamed est né en 1878 à Simbelawin, du même village natal qu'Oum Kulthoum. Et il est mort en 1925, à l'âge de 45 ans. Et Daniel, je voudrais me permettre de vous raconter une anecdote à ce sujet. Il est mort dans les bras d'Oum Kulthoum. C'était son père, son deuxième père. Et le soir même, Oum Kulthoum devait chanter. Et elle est allée chanter. Mais seulement, de son public n'a pas reconnu ce qu'elle chantait ce jour-là. Elle n'a chanté que des louanges et des chants religieux. Le public était très étonné. Et ce n'est que le lendemain qu'ils ont appris par la presse que le Cheikh Abou Laila était décédé la veille. Thank you. Le cheikh Ibrahim n'a pas consenti tout de suite à ce que sa fille se produise devant un vaste public et qu'elle devienne une chanteuse populaire. Il était très respectueux des traditions et des convenances. C'est alors qu'un subterfuge a été imaginé. Et c'est ainsi qu'à ses débuts, Oum Kalsoum a chanté déguisée en garçon. Elle a commencé à chanter sans le moindre micro, sous de grandes tentes, sur des scènes de théâtre, dans des salles de volume important, la puissance de sa voix compensant l'absence d'amplification. En 1923, elle s'établit au Caire avec sa famille, et dès ses débuts, elle affirme un style personnel, à l'écart des chansons légères et un peu grivoises qui connaissaient un certain succès à l'époque. L'époque d'Oum Kalsoum est une époque où il y avait au Caire les plus grands poètes et les plus grands compositeurs. Ils étaient issus eux-mêmes de grandes écoles, de chants, de composition, de musique, et Oum Kalsoum en a profité. La première chose qu'il faut reconnaître à Oum Kalsoum, c'est son intelligence musicale, qui était très grande. Donc, première période, c'est Abou Laila Mohamed. Deuxième époque, c'était le docteur Ahmed Sabri Nijridi. Je dis le docteur parce qu'il était dentiste. Ce dentiste a été un très grand compositeur et il a composé les plus belles chansons pour les stars avant Oum Kalsoum. Car il y avait des stars avant Oum Kalsoum, il y avait beaucoup de grandes chanteuses et de grands chanteurs. Le chant, c'est ce qu'on écoute et qui nous touche profondément. Ça exprime ce qu'on ressent si on est heureux ou si on est triste. إذا كان بيختار الكلام اللي بيقوله بيحس بيه كأنه واقع له هو. Si on choisit les paroles, on peut avoir l'impression que ce qu'on chante, on le vit. تقمص شخصية الإنسان إن كان فرحان. C'est le point le plus haut, se mettre dans la peau d'une personne heureuse, triste ou exaltée. C'est très important que le chanteur comprenne ce qu'il chante. Les paroles, il faut en être convaincu. Pour convaincre, il faut que je sois convaincu. Les paroles, c'est la base première. Si on donne au compositeur des paroles ordinaires, il fera de la musique ordinaire. Si je donne à broder un chemisier qui est moche, qu'est-ce qui en sortira? Il faut d'abord les paroles. Des paroles qui ont un sens et un but précis. Thank you. Ya Magd, ô la gloire, extrait du film tourné en 1936, Nachid El Amal, le chant de l'espoir. Oum Kalsoum devient la chanteuse la plus admirée d'Égypte. Elle se lie d'amitié avec le poète Ahmed Rami, qui écrira pour elle les paroles de quelques 200 chansons. À partir de 1926, elle enregistre disque sur disque et commence à chanter à la radio. À partir de 1935, des récitals retransmis de façon régulière et dans leur intégralité vont contribuer à rendre célèbre la voix d'Oum Kalsoum dans tous les pays arabes. En 1936, Oum Kalsoum tourne son premier film, Widad, lequel sera suivi dans les années 30 de Nachid El Amal, d'Ananir et Aïda. Et en 1946, Salama, et en 1947, Fatma. Thank you. Dans le poème de Omar el-Khayyam, il y a « Ô toi qui connais les secrets, ô toi qui connais la vérité ». C'est là que j'ai vu tes larmes pour la première fois. Est-ce que tu te soucies de la soirée, de son déroulement malgré toute cette gloire? Bien sûr. J'aime mon public et je n'aime pas qu'il ne soit pas content de moi. La même musique peut être différente d'une soirée à l'autre. Selon l'état de l'artiste, oui. Mais ce n'est pas toujours l'état de l'artiste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Mais chaque fois que tu chantes, c'est le summum. Sinon, tu ne seras pas Om Kulthum. وحرت فيه بين شتى الفكر لبست ثوب العيش لم استشر وحرت فيه بين شتى الفكر لبست ثوب العيش Après tout cet effort, tu ne dors pas? Non, je ne dors pas. Est-ce que tu t'écoutes? Moi, je m'écoute avec une oreille critique. Toujours, moi, quand je m'écoute, je n'y crois pas, ça me gêne. Et pourquoi tu ne t'écoutes pas avec l'oreille de celui qui prend plaisir à t'écouter? Il n'y a pas un moment où tu dis Allah. Professeur Riyad Sombati. Magnifique. Plus beau que la composition sur des poèmes, la composition sur leur sens. Ceux qui composent autrement, je les ignore. Ils font de la confection. Balir Hamdi a des belles phrases musicales, des phrases simples. C'est nouveau, c'est un compositeur de notre époque comme Mohamed El-Mouji. Mohamed El-Mouji, c'est la continuité de ce qui est vrai. Sayyid Makawi, c'est la continuité de Zakaria Ahmed. Mohamed El-Mouji, c'est la continuité de la vérité. Tu as vécu une gloire inimaginable. Je ne peux la qualifier que d'inimaginable. Comme une reine couronnée qui apparaît devant son public, qui joue avec lui comme elle veut. Ce n'est pas sérieux. Tu les fais pleurer, tu les mets dans un état d'allégresse, tu les réveilles. Et j'ai remarqué qu'il y a des moments où on entendrait tomber une épingle, à d'autres moments les gens sont hors d'eux-mêmes. Tout ça, c'est l'histoire de me remercier. Hein? Tous les gens te connaissent et connaissent ta valeur, ton authenticité. Si c'est vraiment ce que pensent les gens, alors c'est grâce à Dieu. Que ressens-tu sur scène? Mes sensations changent d'une soirée à l'autre. Vous dites que les gens sont en état d'extase. Moi, je ne cherche pas à ce que les gens soient en extase et qu'ils soient heureux, mais que moi, je le sois. que moi je sois contente de ce que je chante. Certains soirs, les gens sont contents de ce que je chante, mais pas moi. À certains moments, j'ai vu vos larmes. Oui, cela peut arriver. Au cours d'une saison, seulement deux ou trois soirées me plaisent. C'est un état au-dessus du malheur, de la tristesse et de la joie. C'est un état qu'on ne peut pas décrire. Chanter bien si on est reposé, chanter mal si on ne l'est pas, c'est le contraire de ça. Il n'y a pas de règle. Kalsoum a toujours choisi soigneusement les textes des chansons qu'elle interprétait. Des textes de son parolier favori, Ahmed Rami, tout aussi bien que du grand poète Ahmed Chaouki, le Victor Hugo égyptien. Quant à ses compositeurs, les principaux ont été tout d'abord à ses débuts le docteur Ahmed Sabri Nejridi, qui était dentiste, puis Daoud Hosni, Mohamed Kassabji, qui a été aussi son joueur de luth dans l'orchestre, Zakaria Ahmed et Riad El Sounbati. Suivront plus tard Mohamed El-Mouji, Bali Hamdi et surtout Mohamed Abdel Wahab. Pour Maurice Attab, cette collaboration avec des compositeurs de styles différents correspond à des époques dans l'art d'Oum Kalsoum. Et pour lui, ces époques sont au nombre de 7. Alors c'est Bali Hamdi, 7e époque, et Mohamed El-Mouji, à qui elle n'a pas chanté beaucoup de chansons. À Bali Hamdi, elle lui a chanté 6 ou 7 chansons. Par exemple, on va dire Elf Lila ou Lila. Paraît-il que c'est le disque le plus vendu. Enfin, moi je veux bien. Et Mohamed El-Mouji, Sabr Hadoud, Essel Rouhk, qui sont de très belles chansons. Et puis c'est la rencontre, comme je dis, de deux monstres sacrés, Mohamed Abdel Wahab et Oum Kalsoum. Mohamed Abdel Wahab. Oum Kalsoum, c'était une amie. Mais on suivait chacun un chemin différent. Elle était classique, elle chantait des chansons classiques. Moi, j'étais quelqu'un qui évoluait. Tous les deux ans, je changeais ma façon de composer. Elle était contre. Pour elle, rien ne valait le classique. Elle avait raison, mais moi aussi. On était amis, mais sans rapport professionnel. إلى أن جاء وقت أنت عمري كنت أنا بلحنها لنفسي. أنت عمري، je l'avais composé pour que je le chante moi. Mais elle m'a téléphoné. وكان عندي واحد صديق لي ولها وكمانجاتي من الكمانجاتية المشهورين عندنا اسمه أحمد الحفناوي. كان في الفرقة بتاعتها. On avait un ami commun, Ahmed El-Hafnaoui, le violoniste de son orchestre. Je lui avais fait entendre ma musique, celle d'Enta Omri, et il m'avait dit qu'elle conviendrait à Oum Kalsoum. متهيألي كده انك انت لو تغنيها هتكوني مبسوطة منها وهتغنيها كويس فقالت له طيب ما نكلمه فكلمت ايه ما تليفوني وسمعتها الاغنية فعجبتها قلت لها ايوه بقى يبقى كويس لكن التنفيذ يجب ان يخضع لمعايشة العصر. Je lui ai fait écouter la chanson, elle lui a plu, et je lui ai dit, l'exécution doit suivre l'évolution du temps. Je vais introduire dans l'orchestre une guitare électrique. Elle a dit, ah non, j'ai dit, attends. Elle a répondu, bon, fais-moi écouter. Alors j'ai demandé à Abdel Fattah, le guitariste, de jouer. وفكرت. أم كلثوم prenait la tête dans ses mains. Elle réfléchissait. Elle disait recommence. قالت لي حلوة كويسة بس أنا يعني عشان أقتنع. Elle m'a dit C'est beau, mais pour que je sois convaincue, il faut que je l'écoute avec aussi un luth. On a fait une réunion à la maison. J'ai demandé au professeur Mohamed Al-Qasabji, apporte le luth que tu auras sur scène. Et Abd al-Fattah, viens avec ta guitare. عبد الفتاح بالجيتار وقال الأصابجي بالعود طبعا فرق كبير فضل يقول مرة مرتين ثلاثة أربعة وبعدين قالت لي ils ont joué une deux trois quatre fois puis il m'a dit ça suffit je suis d'accord بعد كده بقى ترجعي تقولي لي كان يوماني اللي عمله عمله قالت لي اعمل اللي انت عاوزه انا مدياك حتى انا تالي بالفرنساوي مدياك كارت بلانش il m'a même dit en français je te donne carte blanche. Oui, ta safi na oum na oum yumiha. On s'est congratulé. Inta l'hub, fakkarouni. Et j'ai composé pour elle. Inta omri, inta l'hub, fakkarouni, amal hayati, hadihi laylati, abadan alqaq, laylati l'hub, et d'autres encore. قبل ما تشوفك عيني تحسبوه ازاي عليا رجعوني عليك لايام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته Après le 5 juin 1967, tu as fait une tournée dans le monde arabe. Et après, je suis allée à Paris. Est-ce que c'était dû, cette tournée, à un sentiment national ? Après la défaite, je ne pouvais plus me contenir. J'ai travaillé ici à Alexandrie, à Mansoura, Damanhour, Tanta. J'ai voulu sortir de cette calamité. Quand j'ai pensé venir à Paris, tous mes amis étaient contre. Ils avaient peur pour moi. Mais moi, je n'ai pas eu un moment d'hésitation et je suis partie à Paris. Les deux soirées à Paris ont été réussies grâce à Dieu. وبعدين هم يعني كان ليهم كمان هدف جميل وهو انه الناس قالوا العرب الشعب غريب قوي en fait c'était avec un but noble les gens disaient les arabes viennent donc et c'est un choc terrible et malgré ça ils sont debout et ils chantent c'est le caractère de l'homme arabe يعني بتمر بهم ازمات لكن ايمانهم بالله Ils passent par des crises, mais sa foi en Dieu lui permet de les surmonter. Allô ? سيدة أم كلثوم ستوجه إليكم كلمة تحية. أيها السادة والسيدات، لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن شكري لكم على مقابلتكم لفننا العربي، فشكرا. مدام أم كلثوم، ne trouve pas des mots pour vous remercier. Ceci dit, ces soirées restent inoubliables également pour elle. Le 13 novembre 1967 à Paris, soirée historique qui sera suivie d'une autre deux jours plus tard. Dans un état de surexcitation, une foule immense s'est massée devant l'Olympia. Au marché noir, les places se sont vendues jusqu'à 50 000 anciens francs de l'époque. Commencé vers 21h, le récital va se poursuivre tard dans la nuit. Oum Kalsoum chantera « Al Atlal, les ruines ». Musique de Riyad El Sounbati, paroles du poète Ibrahim Negui. Le réveil brisa nos rêves, les lumières annonciatrices du malheur apparurent, et l'aube se leva comme un incendie. Ô mon ami, toute chose est voulue par Dieu, le destin est au-dessus de nos volontés. On a entendu parler d'une chose bizarre quand vous étiez à Paris. Ah oui, vous parlez de l'homme qui a voulu m'embrasser les pieds. Il y avait des gens du Maroc, de Tunisie, de l'Algérie qui avaient peur. Ils étaient venus anxieux. Quand ils ont vu cet homme, ils ont cru qu'il me voulait du mal. Ils sont intervenus et moi aussi, je les ai aidés. Ils ont voulu lui faire du mal, mais moi, je n'étais pas d'accord. Et puis, il s'est avéré qu'il avait économisé pendant 2 mois sur ses repas pour assister à cette fête. Les gens ont cru qu'on allait baisser le rideau, mais non. J'ai continué avec est-ce que l'amour a vu des hallucinés comme nous. Mais en fait, c'était une réussite grâce à Dieu. Même les journaux en ont parlé. وإلى من أسر والدنيا L'Étoile de l'Orient, Oum Kalsoum. Maurice Attab, Marie-France Thivault, Josette Collin, Claude Jubier, Aïcha Saout, Daniel Coe, Nuit magnétique. حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة واثق الخطوة ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن شهيد الكبرياء والسحر كأنفاس الرمى Cette nuit magnétique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 février 1985. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.